Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne reçois pas un auteur, mais Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Sarah. Qui est le nouveau coordinateur de notre célèbre village du livre de Fontenoy-la-Joûte depuis quelques mois seulement, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors Jonathan, déjà je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bah, je avec suis plaisir, ravie. Merci à toi de m'avoir invité. On va parler de toi, on va parler des différents projets du village, le tout en 5 questions avec des coupures musicales. Très bien. Et puis tu nous présenteras à la fin, comme la tradition le veut chez Caprice de lecture, un livre qui sera le caprice de la semaine. Ok, super. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors on y va. Première question. Comment devient-on, Jonathan, le coordinateur de ce village qui nous tient tous à cœur, le village de Fontenoy-la-Joûte ? Alors dans mon cas, un peu par un concours de circonstances. D'accord. Heureux, du coup ? Ah bah heureux, bien ouais. Évidemment. Donc moi, je me suis retrouvé à Saint-Dié il y a relativement peu. D'accord. Où je me suis investi dans la vie culturelle. Ok. À différents titres, avec un collectif d'artistes et... en tant qu'artiste également. D'accord. Et du coup, ma prédécessrice Mélanie, ouais. Que j'avais pu rencontrer, m'a conseillé à ce poste auprès du président de l'association. Super. Du fait de mes compétences et de mon intérêt pour les livres en général. D'accord. Et te voilà, voilà. Coordinateur. Ok, moi c'est super. Alors, deuxième question, tu as un profil très varié, tu es poète, artiste, écrivain. Avant de commencer l'émission, tu me parlais d'un roman graphique que tu avais terminé ? Tout à fait, avec Natacha Zils, une peintre. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que je trouve ça intéressant que les auditeurs puissent savoir un peu... Alors, il s'appelle Jarma Karma Punk, ce livre. C'est un peu sur les déboires de l'écrivain. Et également, voilà, ce que j'ai tenté d'écrire, c'est voilà, de la poésie, mais avec un peu la continuité d'un roman, qui se lit comme un roman, mais okay. En insérant vraiment de la poésie assez brute. C'est quelque chose d'assez personnel, du coup ? Personnel, mais en même temps, avec, j'espère, une dimension universelle. D'accord. Ok, donc ça c'est bon à savoir. En tout cas, c'est la tentative. Bon, et puis en plus, donc tu es artiste, tu l'avais dit, mais est-ce que tu as dans tout ça, parce que t'es un peu touche-à-tout dans l'art, oui. C'est l'impression que ça donne en fait, oui, oui. Est-ce que tu as quand même une ou deux passions particulières, des choses vraiment qui te tiennent à cœur ? Alors l'écriture, vraiment. L'écriture, ouais. C'est par ça que j'ai commencé, et donc l'écriture, la lecture, en fait j'adore ça, quoi. C'est une vraie passion. Bon. La poésie en particulier. Après, c'est vrai que même si ça a été laborieux, parce que j'ai pas reçu d'instructions art plastique ou de choses comme ça, donc purement autodidacte. Tu t'es fait tout seul, voilà. En fait. Ok. Et donc, ça a pas toujours été facile. Il me manquait parfois certaines techniques, mais c'est vrai que je me suis lancé ce défi de réussir un peu en peinture. Et... Ah, c'est chouette. Donc voilà, je m'éclate en peinture aussi. Ouais, c'est bien. Donc, écriture et peinture. Voilà. Ok. On va faire une première coupure musicale. Alors, comme je te le disais, Jonathan, c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur, que j'écoute en boucle, parce que j'aime beaucoup cet artiste qui est décédé. C'est Frank Sinatra avec Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing for you. Caprice de lecture sur Fadjet. Deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours avec Jonathan qui ne s'est pas sauvé. Toujours pas. Et qui est toujours coordinateur du village du livre de Fontenoy-la-Joûte. Donc on reprend avec une troisième question pour toi, Jonathan. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sont les missions clés d'un coordinateur du village du livre ? Alors en pleine saison, c'est se charger de, du bon déroulé des cinq manifestations qu'il y a dans l'année. Donc il y a cinq manifestations piliers dans l'année. Voilà, piliers, bah, si okay. On peut dire. Oui. D'accord. Plus bon, et après tout le reste du temps, le village est quand même ouvert. Hein. Oui. Les libraires et les bouquinistes, enfin les bouquinistes sont là. Mais voilà, se charger du bon déroulé donc des manifestations en aval et après aussi ouais. Et pendant. Et puis il y a un travail de fond qui consiste à trouver les subventions, donc ça, à c'est faire ton la communication. Job. Voilà, c'est okay. Mon job. Ok, d'accord. Oui. Tu supervises un petit peu tout ça, les organisations, tu as une équipe autour de toi, ça se passe ben, comment ? En fait, c'est l'association des Amis du Livre, avec, ouais. Avec les bouquinistes notamment. D'accord. Et donc voilà, on fait un travail d'équipe, bien évidemment. Donc chacun a un peu des tâches particulières. Voilà. Ouais. Et puis on fait en sorte que tout ça roule comme il faut, et puis de s'occuper de tout. Mais c'est vrai d'accord. Qu'il faut... Voilà, il y a la coordination au niveau des invitations, au niveau de la trésorerie, au niveau de tout ça. Mais ouais. Bon, voilà, chacun s'occupe un petit peu de quelque chose. Ouais. Et du coup, toi, t'as... Parce que souvent, quand on arrive sur un poste, on a un œil neuf. Et puis, on se dit, oh bah tiens, par exemple, je sais pas, telle tâche est faite comme ça, alors que si on faisait comme ça, ce serait plus simple. Toi, t'as changé des petites choses qui collaient plus avec peut-être ta vision justement de ces organisations, ou est-ce que tu as continué un peu dans ce que se faisait ta prédécesserie ? Mélanie, ouais, mais, drôle de mot. Hein. J'ai pas osé le dire jusqu'au bout. Moi, j'ai essayé, mais c'est passé. Hein. La personne avant toi. Voilà. Mais bah, elle m'a donné sa vision des choses, sa vision du poste. J'ai essayé de faire. J'ai intégré tout ce que je pouvais intégrer ouais. À la manière dont elle le faisait. Ouais. Parce que toi, tu n'avais jamais fait ça avant ? Pas un poste exactement comme celui-ci, non. Ok, donc c'est une première. Bon, après, j'avais déjà été dans l'associatif, ouais. L'organisation d'événements également. Ouais, ok. Donc bon, il y a des choses que je connais. Il y a des choses que tu ne découvres pas. Voilà. Okay. Mais après, ça dépend aussi de chaque structure. Ok. Il y a des... Bon, voilà, c'est pas exactement... Bah, c'est pas les mêmes partenaires, ouais, c'est pas sûr. Les mêmes fonctionnements. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est vrai que là, les premiers mois, ça m'a permis de comprendre la structure, les tenants et les aboutissants. Et donc voilà, j'y mets ma recette en prenant ce qui était adapté à moi de Mélanie et puis en faisant ma sauce pour le reste. Bon. Et puis aussi selon ce que veut le public et aussi ce qui... Et là, ça ce marche. Que propose... Ben, on fait tout pour. Oui. Bon, bah super. Est-ce que vous travaillez... Alors, quand je dis vous, c'est toi et l'équipe autour. Oui. Avec des partenaires externes, par exemple, tout ce qui est réseau de médiathèques, tout ce qui est Baccarat, Lunéville, des assos extérieures ou des choses comme ça. Mais oui, ben, notamment, il y a le réseau de Baccarat et Lunéville avec les médiathèques, effectivement. Ouais. On a pris contact, enfin pas pris contact, si on a pris contact avec le réseau Escale aussi, c'est Saint-Dié et donc les médiathèques également. Oui. Avec la grande médiathèque qui va ouvrir la boussole à oui. Saint-Dié même. Oui, qui est encore en cours de... Enfin, voilà, ils sont en train de la finaliser. Ils sont en travaux, là. Voilà. Oui. Hein ouais. Mais qui sera, j'ai eu la chance de visiter le chantier, ça sera un très très beau lieu, moderne, ouais. Avec des... Enfin, très beau. Et voilà, donc on travaille avec notamment des médiathèques, mais aussi on reçoit des scolaires à l'année. Donc voilà, les écoles peuvent venir, okay. Donc collège, primaire. Vous leur faites une visite voilà. Guidée du village Alors il y a David Vitali, le vice-président, ouais. Qui est libraire également, qui fait un atelier présentation de la BD. D'accord. Où il présente les étapes de fabrication d'une BD. Ouais. Il y a Bruno Klotz qui, lui, peut faire un atelier calligraphie. Ouais. Et puis en même temps, voilà, une petite visite du village. Ouais, c'est sympa. Voilà, mais oui, c'est... Parce que quelquefois, les enfants ne sont pas trop familiers des livres et du monde du livre. Oui, c'est sûr qu'il faut leur donner goût à la lecture. Et donc, parce du coup, ça peut leur donner goût à la lecture. Absolument. Ok. On va faire une deuxième pause musicale avec une musique que tu as choisie, Jonathan, de Nina Simone. Alors, c'est pourquoi ça. Nina Simone Pour ma compagne. D'accord. Donc, dédiée à la compagne de Jonathan. On se retrouve juste après. put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Prise de lecture sur Fadjet. Troisième et dernière partie d'émission en compagnie de Jonathan, coordinateur du Village du Livre de Fontenoy-la-Joûte. Jonathan, quels sont les projets du village pour 2023? Alors, on commencera la saison par le grand déballage de printemps. Ça, donc, c'est le truc traditionnel. Voilà, traditionnel. Okay. Le 10 avril, à l'occasion du 10 avril, le lundi de Pâques. D'accord. Et donc, par contre, voilà, nos deux grandes surprises à ne pas manquer cette année, c'est donc Enfantina, mais surtout Fontenoy fête la BD avec un invité très spécial. On reçoit Laurent Cagna, l'illustrateur des Schtroumpfs. Ah ouais, bien. Oui, et on va tout faire pour que le village soit bleu à cette occasion. Ah, super. Voilà, en tout cas, voilà, à l'honneur des Schtroumpfs. Ça va être... Il y a de beaux projets, là. Oui, oui, oui. C'est chouette. Et ça, c'est vraiment... on essaye de... Toute l'équipe essaye de mettre le paquet sur cet événement. Bah ouais. Et ça va vous attirer du monde. Oui. Mais par contre, on a aussi un ancien, justement, au grand déballage de printemps. On a Fred W., Fred Valin. OK. Je ne sais pas si tu connais. C'est un artiste de Nancy, un chanteur, chanson francophone. OK. Voilà, chanson à texte, qui fait aussi donc une expo. En fait, il présente un livre-disque autour duquel il articule une exposition. D'accord, ok, voilà. Donc Fred Valin. Oui. Ok, c'est bon à savoir. Oui. Jonathan, pour clôturer l'émission, est-ce que tu peux nous parler d'un caprice, une lecture qui t'a plu ou qui te plaît et que tu voudrais partager avec les auditeurs de Fadjet? Avec plaisir. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques jours, qui s'appelle « L'homme approximatif » de Tristan Tzara. Okay. Donc c'est ses poésies de 1925 à 1930, et en fait c'est l'apparition du dadaïsme. Et donc voilà, c'est un peu aussi... C'est en lien avec André Breton et le surréalisme. D'accord. Et voilà, c'est vraiment très bien. Après, c'est un roman ? Non, c'est de la poésie. C'est que de la poésie ? Oui, oui, oui. Ok. Juste pour que les auditeurs sachent. Oui, pardon. Pas grave. Donc, roman de poésie de Tristan Tzara qui s'appelle L'homme approximatif. Voilà. Tu peux nous donner l'édition? Alors, c'est NRF, Poésie Gallimard. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être venu jusqu'au Radio de Fadjet. Eh ben, merci de ton invitation, Sarah. Merci d'avoir bien voulu représenter le Village du Livre pour nous parler de tous ces beaux projets. Avec plaisir. C'était vraiment super. Nous, on se retrouve très, très vite et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.